Bonsoir, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue à l'écoute de ce journal sur le sommaire. Certains propriétaires des véhicules dans la province de Gitega se lamentent que l'application Egitolo Pass ne fonctionne pas et donc se voient refuser d'être servis à la pompe. Alors qu'ils n'ont pas où cultiver, quelques habitants de la colline Kizina, c'est en province Bubanza, se plaignent qu'une délégation du ministère de la Justice leur a demandé encore ce mardi de patienter sur la question concernant un dossier d'un conflit foncier qui, selon eux, a commencé en 1987. Et dans la chronique nutrition, ce soir, on vous parlera de quelques effets dans le corps que peuvent causer la banane en cas de surconsommation. Doré Bingabi, je suis à la présentation, Albin Douan. Wayo assure la mise en onde. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Certains propriétaires des véhicules et motocyclettes recensés pour être éligibles à l'approvisionnement en carburant grognent que l'application Egitolo Pass ne fonctionne pas et par conséquent se voient refuser d'être servis en carburant. Le directeur général de la société pétrolière du Burundi, Sopebu, invite toute personne qui aura des ennuis avec cette application d'appeler au siège de cette société. Il signale également que le recensement en ligne continue tout en mettant en garde les personnes privées qui font payer de l'argent aux gens qu'ils aident à enregistrer leur appareil. Gérard Nibigira. À partir de la semaine qui vient de s'écouler, l'approvisionnement en carburant se fait par l'application téléphonique appelée Egitolo Pass. Ainsi est autorisé désormais à s'approvisionner en carburant celui qui a fait recenser son véhicule ou sa motocyclette lors de la période de recensement de tous les véhicules, motocyclettes et d'autres appareils et matériels consommant du carburant. Cependant, certains de ceux qui ont fait recenser leurs véhicules et motocyclettes grognent du fait qu'une fois devant une station-service, l'application Egitolo Pass ne fonctionne pas et ainsi ils partent sans avoir du carburant. Les pompistes contactés à ce sujet quant à eux indiquent que si l'application Egitolo Pass ne fonctionne pas, l'intéressé ne peut pas être servi en carburant. De son côté, le directeur général de la société pétrolière du Burundi, Sopebu, Innocent Girugushaka, tranquillise en disant que toute personne qui aura des ennuis avec l'application Egitolo Pass devra téléphoner au siège de la Sopebu à Bujumbura au numéro 77 366 500 et 71 800. Il tranquillise aussi ceux qui n'ont pas encore fait recenser leurs véhicules et motocyclettes et autres en signalant que le recensement en ligne continue du moment qu'il y a de nouveaux véhicules qui entrent au pays et des visiteurs qui viennent au pays avec leurs véhicules. Cela étant, à Gitega, les personnes privées qui aident les autres à recenser leurs véhicules, motocyclettes et autres exigent un montant variant de 20 à 50 000 francs bout. À propos, le directeur général de la Sopebu précise que le recensement est gratuit et que les contrevenants devraient être sanctionnés. Toutefois, la pénurie du carburant persiste à Gitega et une semaine peut se terminer sans qu'une seule station-service ait du carburant. Si un effectif total de plus de 25 stations-service est dénombré dans cette province consécutivement, une bouteille en plastique communément appelée Kinju d'un litre et demi contenant de l'essence ou du mazout coûte 25 000 francs bout et plus. C'est au moment où le prix officiel de l'essence est de 4 030 francs bout le litre et celui du mazout 3 955 francs pour le litre. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isangani. Merci Gérard. Plus de 1500 personnes de la colline Kizina, commune Gihanga de la province Bubanza, se plaignent de la réponse leur donnée par une délégation du ministère de la Justice, les demandant de patienter sur un dossier d'un conflit foncier. Ce dossier a pourtant commencé en 1987 selon eux et se lamentent qu'il tarde à être tranché alors qu'ils n'ont pas où cultiver et réclament justice. C'était ce mardi lorsque cette délégation était à Bubanza pour écouter les doléances de la population sur des dossiers de la justice. Espèce Caritas Cabagnana. Ces populations de la colline Kizina qui réclament plus de 500 hectares disent que ça fait longtemps que ce dossier est fixé au niveau des instances judiciaires depuis 1987, comme ils le disent, et le conflit s'est transformé au cours de toutes ces années et actuellement, le dossier arrive au cabinet du ministre de la Justice selon la même source. Certains de ces habitants de Kizina précisent qu'ils sont nés à cet endroit et que ce sont des terres acquises par leurs parents, reçues de la part des autorités royales. Ils déplorent le fait qu'ils n'ont pas de terres terres incultivées actuellement et accuse la succession Gahouchi de les avoir expropriées. Et c'est au moment où la famille Gahouchi, de son côté, explique que c'est sa propre propriété. Ce mardi, ils attendaient enfin une réponse pour ce conflit qui n'a fait que durer, mais la réponse donnée par l'inspecteur général au niveau du ministère de la Justice a été d'attendre encore. C'était lors d'une descente d'une délégation du ministère de la Justice dans cette province pour recueillir les doléances de la population à propos des dossiers fixés au niveau des instances judiciaires et qui n'ont pas pu être traités comme il faut. Space Caritas Kavanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Merci Space. Après une courte pause, on continue avec cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro, il est 18h passé de 5 minutes dans nos studios. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos plateformes sociales, sur Facebook c'est Radio Télévision Isanganiro RTI et sur X c'est RT Isanganiro. Dans le sud de cette édition, certains consommateurs de sucre dans la ville de Lumonge disent que les commerçants leur indiquent que le sucre disponible dans le marché central et les boutiques est celui importé de l'Ouganda lorsqu'ils vont acheter ce produit. Un kilogramme de ce sucre coûte entre 8 500 et 10 000 selon eux. Ces commerçants précisent que depuis la revue à la baisse du prix du sucre de la Sosumo, ils n'ont jamais été approvisionnés. Mais l'administrateur directeur général de la Sosumo informe que cette usine continue de produire et de fournir du sucre à la normale et indique qu'il incombe à l'administration de s'assurer que ce sucre parvient à destination. Jean-Pierre Misago. Pour justifier le prix variant de 8 500 francs burundais à 10 000 francs burundais le kilo pratiqué sur le sucre, les détaillants de sucre expliquent à leurs clients que le sucre produit par la société sucrière du Mosso n'est plus disponible sur le marché après la révision du prix au kilo de 8 000 francs burundais à 6 000 francs burundais, mais que le sucre à leur disposition est importé de l'Ouganda selon certains consommateurs de la ville de Lumonge interrogés. Mais pour le général-major Aloïse Naikenguru, qui est administrateur directeur général de la Sosumo, ces arguments avancés par ces détaillants de sucre ne tiennent pas debout. En effet, selon lui, la société sucrière du Mosso continue de produire et de fournir du sucre suivant la nouvelle structure et le sucre du mois de novembre courant est déjà fourni. La tâche revient donc à l'administration de s'assurer si ce sucre parvient à destination selon ce responsable de la Sosumo. Contacté à propos, certains chefs culinaires dans la commune de Lumonge reconnaissent avoir déjà eu le sucre leur destiné. Certains l'ont même déjà distribué, d'autres comptent le faire dès ce lundi, suivant le plan établi par une commission communale chargée de distribuer le sucre. Les informations obtenues de certains consommateurs et certains détaillants de sucre de la ville de Lumonge disent que certains parmi les détaillants ont interrompu ce commerce après la révision du prix, car les prix au gros n'ont pas changé et les autres détaillants ont changé d'emballage pour se mettre à l'abri d'éventuelles pertes. Jean-Pierre Misago depuis Lumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Et en actualité régionale, en République démocratique du Congo, les états généraux de la justice se poursuivent à Kinshasa. Plus de 3000 participants, dont en majorité des acteurs judiciaires, sont réunis pour réfléchir aux évaluations du secteur jugé malade par le président Félix Tshisekedi. Hier samedi, l'inspecteur général des finances de la RDC a appelé à d'importantes réformes, notamment la fin de l'immunité des membres du gouvernement et la mise en place d'un parquet financier. Jules Alinguete estime que la justice est mise à mal par l'immunité dont profitent les membres du gouvernement. Je cite, « Les membres du gouvernement gèrent 80% des ressources. Par conséquent, ils deviennent des cibles de contrôle, mais ces gens-là sont immunisés. À ce moment-là, ça rend tout inefficace, même la justice et les organisations. Nous devenons de plus en plus impuissants. Face à cela, il faut penser à régler ce problème. » Fin de citation. Tout de suite, place à la chronique nutrition. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Les bananes sont riches en fibres, en particulier en pectine et en amidon résistant. Si ces fibres sont bénéfiques pour la santé intestinale, elles peuvent aussi causer des désagréments en cas de surconsommation, comme les ballonnements et flatulences dues à la fermentation des fibres dans le côlon. En rapport avec les vertus de ce fruit, Jean-Paul Winéza, chercheur nutritionniste, indique qu'en matière de beauté étant nombreuse, il protège la peau du vieillissement cutané et retarde l'arrivée des rides grâce à sa richesse en antioxydants et en vitamine E. Chronique nutrition sur la banane avec Jean-Marie Mayong. Dans la chronique précédente, le chercheur nutritionniste Jean-Paul Winéza nous a parlé des bienfaits de la banane sur la santé. Aujourd'hui, ce chercheur nous explique que la banane est mûre aide à avoir une bonne digestion grâce à ses propriétés en vitamines. Les bananes peu mûres ou vertes contiennent d'importantes quantités d'amidon difficiles à digérer, ce qui peut donner lieu à des flatulences, c'est-à-dire gaz intestinaux, et à une dyspepsie ou bien mauvaise digestion. La banane contient une petite quantité de protéines, 1%, et très peu de graisse, moins de 0,5%. La banane contient assez de vitamines, surtout vitamine B1, B2 et vitamine E. La banane contient également de la vitamine C et aussi la vitamine B9. L'amidon qui se trouve dans la banane aide l'organisme à ne pas garder assez de sucre dans le corps. Dans la composition de la banane, c'est-à-dire la banane mûre, il faut citer sa richesse en hydrates de carbone, jusqu'à 21%. Dans la banane non mûre, ils sont surtout formés d'amidon. À mesure qu'elle mûrit, cet amidon se transforme en sucre comme le saccharose, le glucose et le fructose. Dans la banane mûre, il reste environ 1% d'amidon qui ne provoque habituellement pas des problèmes digestifs si elle est bien mâchée et insalivée. Jean-Paul Winéza signale également que la banane, une fois consommée, aide à réduire les taux d'acide urique dans l'organisme. La banane mûre est conseillée aux personnes qui ont un problème de sommeil d'en consommer beaucoup, car le magnésium contenu dans ce fruit aide à détendre les muscles et à favoriser un sommeil profond. La banane, c'est un fruit très essentiel dans notre organisme, que les personnes doivent manger, n'importe quelle personne, mais surtout les personnes qui ont de la goutte ou bien excès d'acide urique dans le sang, ils doivent quand même en consommer en abondance. Aussi, la banane, comme beaucoup de nutritionnistes viennent de la surnommer, la banane a une autre substance vraiment très essentielle qu'on appelle sérotonine. Pour des personnes qui ont des problèmes de sommeil, la banane vraiment va calmer ou bien va permettre le bon sommeil et aussi a permis que la tension nerveuse se termine très facilement. La banane est un fruit originaire d'Asie du Sud. Elle s'est développée dans toutes les régions au premier millénaire. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous qui nous avez prêté oreille. Doré Bingabile, j'étais à la présentation. Alban Douayo assuré la mise en onde. Bonne soirée à toutes et à tous.